À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition d'Apocalypse en format tout à fait normal cette semaine. La semaine dernière on s'est un petit peu plongé dans le black metal, mais du coup on reprend l'actualité avec cette émission et pour commencer du black metal. Et oui, malin futé du black metal, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du dernier album d'Enslaved que j'ai enfin réussi à digérer parce que comme n'importe quel album d'Enslaved, il est hyper riche. Le morceau que je vous propose qui est... Oui, peut-être pas. C'est à mon avis le plus représentatif de l'album. Il s'appelle Now Tear Bleeding et représentatif dans le sens où, voilà, on vraiment toutes les sens de cet album, la dualité prog et black, ça on le retrouve sur beaucoup d'autres albums. Enfin, depuis bon, 10 ou 15 ans, c'est la marque de fabrique d'Enslaved. Mais celui-là, il y a vraiment, je sais pas, ouais, des enchaînements qui font mouche tout de suite là, le passage, vous allez voir à un moment donné dans le morceau, on passe d'un rythme binaire, un rythme ternaire, et là tout de suite on se dit, voilà, ça c'est Enslaved, c'est eux, il n'y a que eux, c'est leur signature, donc voilà, c'est le morceau le plus représentatif de l'album, album qui est très bon, hein, il n'y a pas à tortiller, ils ont encore réussi à faire un album super bien produit, même s'ils sont chez Nuclear Blast, qui parfois a tendance à faire des productions beaucoup trop... aseptisé, là il garde quand même, si la production est très propre, les sons purs des passages prog sont magnifiques, mais on garde quand même un petit peu le côté assez pas artisanal, mais j'arrive pas à trouver un mot assez parlant pour ça, mais bref, on sent que c'est toujours Enslaved, qu'ils ont pas dénaturé leur musique en passant chez Nuclear Blast, ce qui arrive malheureusement chez certains groupes. Donc c'est leur 13e album, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est une réussite totale, quoi, In Times, et dans la continuité, peut-être pas tout à fait la continuité de Rikir qui était sorti, le dernier album qui était sorti, mais il ressemble un peu à Axioma, Etika Undini, quelque chose comme ça, même si, voilà, encore une fois, il y a une identité un peu unique comme chaque album, mais il s'inscrit quand même dans ce qu'a fait Enslaved, mais faut revenir quelques années en arrière pour que l'album ne s'inscrit pas dans la continuité directe, mais il complète des choses qui existaient déjà. Donc voilà, pour vous donner une idée, si vous ne l'avez pas déjà écouté, on s'écoute tout de suite. Now Tear Bleeding Enslaved, de Enslaved. Donc c'est l'album In Times, vous êtes à l'écoute d'Apocalypse, et avec un peu de chance, vous êtes même sur Graphite qui nous diffuse chaque semaine, merci à eux. C'est parti. À l'instant, c'était un groupe français de hardcore grindcore avec une petite touche de black metal par moment, notamment à la fin du morceau que vous venez d'écouter qui s'appelle 100 000 fois par jour. Et le groupe c'est Nesseria et c'est extrait de leur dernier album en date Fracture qui est sorti tout récemment chez le label Throatwinner. Alors comme tout ce qui se fait chez Throatwinner, c'est agressif, c'est dense, le son est vraiment méchant quoi, ça tabasse comme il faut. C'est leur deuxième album et ils seront en tournée qui est organisée donc par Throatwinner qui donc sur trois dates, le 14 à Paris, le 14 mai à Paris, 15 mai à Strasbourg et le 16 mai à Genève. Voilà donc trois dates où on retrouvera une partie de l'écurie Throatwinner. Donc c'est du très très beau monde. Il y a Cowards et Death Engine que j'avais passé assez récemment sur Apocalypse lors des émissions. La toute dernière qui était consacrée au black metal, mais les deux précédentes, je crois qu'il y a un morceau de Cowards et un morceau de Death Engine, donc tous les deux dans un hardcore assez vénère. Il y aura donc Nesseria sur les trois dates, on retrouve également Calvaire, enfin vraiment beaucoup de beaux mondes. Je sais pas que tout ce monde-là a été signé chez Throatwinner, on sait pas qu'ils avaient autant de très bons groupes dans leur catalogue. En tout cas, je pense que c'est le genre de date qui peut vraiment retourner le crâne à pas mal de monde. Parce que c'est de la pure agression quoi. Le label Throatwinner, ils sont là pour te ruiner la gorge, c'est clairement leur titre quoi. Ils sont là pour te foutre des kicks dans la glotte et te faire recracher ton 4 heures. Voilà, Nesseria, ils font partie du lot, donc leur album Fracture est sorti récemment. C'est voilà, donc cette espèce de grind hardcore, on sait pas trop le caser complètement. C'est agressif, c'est vénère, c'est crade. Il y a un très beau clip pour le morceau qui s'appelle Des rues ordinaires, voilà, j'ai failli pas le trouver, qui est passé sur la toile, vous devez pouvoir le retrouver sur Horns Up dans les news. En tout cas, l'album est réussi, on s'en prend plein les dents pendant toute la durée. Même si moi je préfère le grind peut-être plus direct et plus 100% grindcore, mais cette approche assez pesante du grind, ça fait bizarre à dire, mais c'est l'effet que ça procure, ça reste plutôt réussi et ça s'écoute bien agréablement, si tant est qu'on ait un peu la haine quand même, hein. Il faut avoir la haine pour écouter ce genre d'album. On va continuer avec quelque chose qui n'a pas grand chose à voir, c'est Alkaloid. C'est un nouveau super groupe qui officie dans le death technique, mais un petit peu progressif. Il y a aussi des passages un peu aérés, un peu pas 100% death en fait sur cet album. Donc pourquoi supergroupe ? Ben tout bêtement parce qu'il y a des anciens obscurs, des anciens Necrophagistes, des mecs qui sont chez Aborted, le chanteur de Dark Fortress, d'autres qui ont fait un tour chez God Dethrone, bref le line-up, les mecs ils ont un CV long comme le bras, je vais pas vous faire tout en détail, mais voilà, il y a la pointe, toutes les pointures du metal, du death metal extrême et technique s'est retrouvé là-dedans. Donc bah, c'est un excellent album, putain les mecs qui ont composé ça, c'est trop bon quoi, c'est complexe, plein de morceaux longs, il y a pas mal de morceaux qui dépassent largement les 10 minutes. La technique forcément elle est monstrueuse. Sur le morceau que j'ai choisi qui s'appelle Cthulhu, donc l'album s'appelle The Malcute Glamour, je l'ai pas encore dit, donc le morceau que je vous propose, Cthulhu, c'est peut-être pas le plus représentatif du niveau technique de l'album, il est assez lent, assez sombre, c'est pas là où ça part le plus en zézette, comme on dit. Mais si vous écoutez bien le travail sur des guitares sur le morceau, vous allez voir sur certains passages, il y a des petites lignes de guitare avec un son très aigu qui font des gammes, je sais pas comment appeler ça, du bidouillage, du bidouillis, assez futuriste, et du coup ça enveloppe le morceau d'une couche de... Ouais, on sait pas trop où est-ce qu'on va, c'est assez, l'espèce de science-fiction Lovecraftienne dont est extrait Cthulhu, je pense que ça n'y est pas pour rien. En tout cas, voilà, l'album est très bon. Vous pouvez le retrouver, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le retrouver en streaming sur 1 sur Hands Up et 2 sur internet si vous avez la flemme de retrouver toutes les news. Pas de concert à l'horizon, j'ai l'impression pour ce groupe, j'ai pas vu quoi que ce soit à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, pour les fans de death metal technique et de choses un peu originales dans le death metal, cet album, je vous le recommande grandement, il est excellent. Quoi de mieux pour illustrer propos que d'écouter Cthulhu de Alkaloid. Extrait de l'album The Malcute Screamer, vous êtes toujours à l'écoute d'Apocalypse. À l'instant, c'était Black Bomb A, un extrait du nouvel album Comfortable Hate. C'est le morceau On Fire qui est le morceau de clôture de l'album. Et malheureusement, Black Bomb A fait encore un album assez moyen. Déjà, j'avais pas vraiment accroché au dernier, puisque le gros problème c'était qu'il y avait deux chanteurs, mais on n'entendait pas du tout la différence entre les deux. La bonne nouvelle, c'est le retour de Arnaud, qui a été déjà remplaçant dans le groupe et qui revient remplacer en remplaçant. Qui avait remplacé le prédécesseur de Arnaud, je crois que c'est un peu confus, mais si vous connaissez le groupe, vous savez de quoi je parle. Et donc, bon, ça c'est pas mal, du coup on retrouve la bonne grosse voix, la bonne grosse dualité des voix au sein des morceaux, ça c'est agréable à entendre, mine de rien, parce que sur le dernier album, ça manquait vraiment énormément. Mais là où ça pêche, c'est que, vous avez entendu le morceau, le début ça bastonne, on dit « Oh yes, c'est parti !» Et après ça devient tout un peu mielleux, alors ça fait quelques albums qui font ça. Mais alors sur celui-là, c'est vraiment abusé la manière dont ils le font. Donc c'est assez dommage, parce que voilà, il y a trop de titres un petit peu mous, il y a des passages où putain c'est parfait, on retrouve la pêche des débuts, les trucs qui sont vraiment excellents. Et voilà, et après on tombe souvent dans des refrains un peu gnangnan, certains, ceux qui aiment le groupe toujours depuis toutes ces années, je pense qu'ils sont conquis par l'album. Moi, je commence à avoir vraiment un peu de mal avec ce que devient Black Bomb A, même si j'aimais bien ça au début. Vraiment, le dernier bon album, c'était From Chaos, où c'était le retour de Jack depuis pas grand-chose de vraiment exceptionnel, je trouve. En tout cas, il est sorti, vous pouvez sans doute l'écouter de manière plus complète en vous le procurant de manière légale ou non. Je vous laisse décider de la chose. En tout cas, c'était On Fire que vous venez d'écouter, extrait de Comfortable Hate. Voilà, je vous laisse faire votre avis par vous-même en écoutant plus quand vous en aurez l'occasion. Et on va continuer, alors là, accrochez-vous à vos sièges ou à vos canapés ou peu importe, là vous êtes assis, couché, allongé pour écouter ça. On est parti pour un petit peu plus de 13 minutes de musique barrée. Mais alors barrée dans le sens, le groupe c'est THG ou Dog Heimsgard. Donc groupe de, alors à la base black metal, mais qui dévie de plus en plus vers du black metal avant-gardiste assez expérimental. C'est l'extrait de leur dernier album qui, en fait moi je connaissais deux noms, j'avais peut-être écouté un ou deux morceaux comme ça au hasard, dans le compil ou je sais pas quoi. J'ai découvert cet album en fait parce qu'il est reçu en 10 sur 10 par Monsieur Léviathan sur Hands Up. Donc putain, un album qui a 10 sur 10, faut que j'écoute ça, surtout que ça tapait dans le black metal, j'aime bien ça. Et donc, oh putain, j'ai pas été déçu. Hein. Donc c'est Umbra Omega, leur dernier album, le morceau que je vous propose c'est God Protocol Axiom. Et c'est tordu, c'est barré, c'est des structures. On avance, il y a le refrain, couplet, tout ça, on oublie tout de suite. On avance dans un espèce de black metal où se mêlent de temps en temps des pianos, des petites descentes de piano avec le chanteur qui a une voix mais complètement hallucinée, il fait des envolées complètement étranges, des lamentations, c'est très théâtral en fait dans l'approche. On trouve aussi des cuivres sur certains moments, on trouve énormément de choses qui donnent une richesse très surprenante mais vraiment vraiment agréable et surtout le niveau de la composition. On se balade pendant chaque pièce fait chaque morceau fait entre 10 et 15 minutes je crois sur l'album, il y en a 6. Ou 4, j'ai un doute soudain, je crois que c'est 6. Et on se balade dans cette espèce d'ambiance un peu oppressante, mais à la fois belle et... c'est très étrange, assez surprenant. J'ai mis un petit peu de temps avant de m'habituer à la voix du chanteur. Mais en tout cas, maintenant c'est fait. Et vraiment, je suis tombé assez sous le charme de cet album. Pour plus pour l'avis d'un connaisseur plus poussé du groupe, parce que là j'ai découvert le groupe avec cet album, je vous invite donc à lire la chronique de Léviathan qui résume pas mal ce que j'ai ressenti après écoute, même si je connais moins leur travail par avant. Donc voilà, tout de suite God Protocol Axiom de Doheimsgard ou DHG, ça dépend comment on choisit. Cet extrait de Umbra Omega. Et c'est parti, c'est tout de suite de l'Apocalypse. Attention, il y en a pour 13 minutes. Il faut avoir l'esprit un peu ouvert pour accepter d'entendre ce que vous allez entendre. C'est parti. We'll be right back. Cheers. ce gros son épais doux mystique. C'était Herrscher et c'est notre découverte de la semaine. Le morceau s'appelait Holdlands et c'est extrait donc de leur premier album éponyme Herrscher. Donc, et il fait suite à deux EP qui étaient sortis en 2011 et 2013. Si je dis plus de bêtises, j'ai pas noté ça sur ma fiche. Tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est le morceau d'ouverture de cet album. Donc le son, voilà, le début est assez classique, gros riff d'entame dans morceau, dans l'album Doom, c'est assez, assez logique, mais voilà, le son est bien rond, bien lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il joue sans guitare, c'est uniquement basse, batterie et clavier. Vous avez pu entendre, voilà, une petite couche de clavier qui rehausse par moment la musique. Donc voilà, pas de guitare, juste une grosse basse qui envoie des gros accords qui vont bien. Le chant est assez bien foutu, je trouve ce début assez parlé. Moi ça m'a fait penser, alors j'ai pas réussi à retrouver le morceau précis, mais ça m'a fait penser un peu à Tom Warrior de Celtic Frost qui par moment prend cette voix un peu caverneuse et ne chante plus vraiment, ne fait que parler. Donc ça c'est pas son chant principal, mais il utilise de temps en temps cette technique et je trouve que la voix du chanteur du groupe se rapproche un petit peu de cette technique justement. L'album est plutôt pas mal, même si assez classique. Voilà, on ne s'ennuie pas du tout, mais on découvre rien de bien nouveau. L'apport des claviers est assez intéressant, mais pas non plus fondamental. C'est surtout voilà, le côté bien rentre-dedans, bien pesant du Doom qui marque plus les esprits que le clavier sur cet album. En tout cas, c'est une découverte plutôt sympa. Pas de découverte ultime non plus, mais voilà, ça s'écoute bien pour les fans de Doom et de choses comme ça. Voilà, ça passera tout seul, l'écoute se fait bien, c'est bien foutu, bien produit, bon son. Rien de... voilà, pas de défaut majeur, si ce n'est voilà, une originalité assez relative, mais pas non plus... c'est pas non plus le truc qu'on a déjà entendu mille fois. Il y a quelques bonnes idées, mine de rien. Et on va finir par s'écouter un dernier morceau, puisque bah, avec un truc de 13 minutes, la playlist s'en trouve forcément réduite. Et c'est Fear Factory à qui je fais l'honneur de clôturer cette émission. C'est plutôt eux qui me font l'honneur de proposer des morceaux aussi stylés que New Breed, qui était extrait de The Manufacture, qui est sorti bah, il y a 20 ans. Donc voilà, première petite actu, c'est les 20 ans de The Manufacture cette année. Donc voilà, on pourra s'en écouter toutes les émissions, cet album est tellement bon. Et puis surtout, bah, ils vont sortir un nouvel album, ce qui est peut-être encore plus intéressant que juste fêter le passé. Bien que j'ai pas complètement accroché à The Industrialist qui est sorti en 2012, j'avais beaucoup plus aimé leur album qui avait marqué bah, le retour de Nino Cazares et puis un petit peu le retour du groupe ouais, tout court, qui s'appelait donc Mechanize. J'ai failli pas ressortir ce nom qui était sorti en 2010 et que j'avais trouvé vraiment très très bon. The Industrialist m'avait laissé un moins bon souvenir. Et donc là, ils ont fini l'enregistrement de tout. Burton Sebel a fini les voix il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui se fait en dernier globalement. Et puis, ça va être sorti chez Nuclear Blast. C'est le premier album qui sort chez l'écurie allemande. Avant, ils étaient chez Roadrunner, donc voilà, ils sont passés du coq à l'âne, comme on dit. Non, pas du tout, l'expression ne va pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je suis quand même curieux de voir ce que devient le groupe, même si voilà, Industrialist était un petit peu en dessous. Et pour revenir un petit peu plus précisément sur le morceau qu'on va s'écouter, The New Breed, c'est vraiment le côté ultra électro qui est poussé, c'est carrément en beat, pratiquement hard tech en fait, qu'on retrouve sur le morceau. C'est hyper énergique, il fait à peine 3 minutes peut-être, et on s'en prend plein les dents. C'est un de mes morceaux préférés du groupe, extrait d'un album qui est maintenant devenu tellement légendaire. C'est pas le plus compliqué, mais c'est vraiment le plus efficace, quoi. On s'en prend plein les dents pendant 2 minutes. C'est un petit peu le copinage de l'électro et du métal dans ce qui se fait de plus vénère. Voilà, tout bêtement. Et ben c'est là-dessus qu'on va clôturer cette émission. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, écoutez plein de bonnes choses. Et puis voilà, c'était Apocalypse. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, bonne écoute et tout ça. Salut !